Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'Histoire, les catastrophes naturelles, une préoccupation très politique. Hier, Emmanuel Macron s'est rendu dans les Alpes-Maritimes sur les lieux des dévastations de la tempête Alex. Ce qui se joue pour tous les gouvernements en temps de catastrophe naturelle, leur capacité à intervenir, mais aussi à réparer, à assurer le bien-être minimum des populations qu'ils gouvernent et à montrer une solidarité de l'État sans faille pour actualiser sa propre utilité. Pour cela, il faut que le politique se montre là où les catastrophes sévissent. Emmanuel Macron à la rencontre des sinistrés dans les Alpes-Maritimes. Le président y sera cet après-midi et les attentes sur place sont grandes. État des lieux avec le président du conseil départemental dans un instant. La première visite d'État sur le théâtre d'une catastrophe naturelle, c'est en 1856 et elle tombe à pic. Napoléon III, empereur des Français, est alors un peu embêté. Depuis le début de son règne, certaines de ses réalisations sont impressionnantes. La couverture ferroviaire du territoire, le télégraphe électrique démontrent sa volonté de placer l'Empire sur la voie du progrès, mais cette démonstration est contrariée par des disettes et des épidémies de choléra qui sévissent et ne jouent pas en faveur de son image de protecteur. S'ajoute à cela une guerre de Crimée dont la France sort victorieuse face à la Russie, mais qui a coûté beaucoup et beaucoup trop en vie humaine et en argent. Il lui faut pourtant poursuivre le renforcement de son aura après son accession au pouvoir par un coup d'État et avec une nouvelle donnée que la monarchie doit prendre en compte, le suffrage pas exactement universel mais élargi, qui pourrait les exposer peut-être un jour à la désapprobation des électeurs. Une série d'inondations au printemps 1856 lui donne une occasion à saisir. Les bassins du Rhône, de la Loire et de la Saône subissent d'énormes crues, les deux tiers du pays sont sous l'eau. Les villes sont inondées, les campagnes avec elles. La crue la plus spectaculaire se déroule dans la région d'Arles et transforme la Camargue en véritable lac. Fait inédit, Napoléon III se déplace immédiatement avec pour mission affichée de constater les dégâts et de soutenir les habitants en détresse. L'empereur commence donc une tournée en train, en bateau, quand le train n'est plus envisageable, et distribue argent, promesses d'argent, médailles à tour de bras, aux militaires comme aux civils, une manie héritée de son oncle. Surtout, il donne de sa personne et ses prestations empathiques sont largement relayées par une presse qui lui est tout acquise. Une presse qui n'oublie personne, même pas ceux qui ne savent pas lire, en publiant tout un imagier de la charité impériale à l'œuvre. Dans leur dernier ouvrage, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher enquêtent sur ces catastrophes naturelles, ces révoltes du ciel, et nous laissent entrevoir comment les transformations du climat sont au cœur de débats fondamentaux sur la colonisation, la foi, l'État, la nature et les régimes politiques depuis le XVe siècle. Si cette visite impériale de 1856 auprès des sinistrés est une réussite, elle s'inscrit dans une bataille de cabinets et d'experts acharnés dans l'entourage politique du souverain à propos de la déforestation, mais à l'abri des regards. Ce qui est alors visible, Napoléon III a montré son efficacité dans la quête ambitieuse qu'il formule directement l'année suivante. Maîtriser les caprices des fleuves aussi bien que les élans révolutionnaires, c'est-à-dire contrôler aussi bien les hommes que la nature, autrement dit, la protection et l'autoritarisme, l'autoritarisme étant toujours mieux accepté quand on est protégé. Cette première opération médiatique du genre montre aussi à quel point les questions environnementales agissent depuis plus longtemps qu'on ne le croit sur les manières de gouverner. Merci beaucoup Anaïs Kien pour cette évocation de Napoléon III face aux inondations. On retrouve le journal de l'Histoire sur notre site franceculture.fr.